Minuit, 2h. Ouais, pour, si je serais pas intelligent, je serais pas des débats, hein, Brouty. Les débats de Gérard. Non, c'est pas les débats de Gérard, malheureusement, c'est le débat de Max. Et Max, il va arriver, mais comme t'étais là, j'en ai profité pour mettre un jingle de merde. Un jingle de merde, va te faire foutre, ta espèce de petit con. Donc, pour ça, on va accueillir... Un débat sur quoi déjà? Bonsoir, vous êtes sur Fun, enfin tu sais, t'as pas tendu la main. Si vous voulez nous appeler, c'est au 0803-08-5000. Donc, si on pouvait avoir l'internet, Manu, ça serait bien. Ouais, ça arrive. Je vais tout faire en même temps et puis je vais me mettre un doigt aussi. Tu peux te mettre un doigt bien profond. C'est pas mal ça, ouais. Vous pouvez nous appeler au 0803-08-5000. Manu, toujours au standard. Un gros doigt, ouais. Fudlard qui est à l'aria, Max ne va pas tarder de venir me rejoindre pour le débat. Chez lui, oui. Donc pour ça on va accueillir Naomo Kambo, je crois. Voilà. Oui, bonsoir Gérard, ça va tranquille? Bonsoir, donc 101.9, hein? Exactement. Parce qu'on ne m'a pas marqué les fréquences. Ah bah si c'est Paris, tu peux pas trop tromper. Monsieur. Hein. MC Solar. Soulard, Dijon, ta fréquence, s'il te plaît. Tout à fait, 109.3, bonsoir. 109.3, bonsoir à toi. Bonsoir. Et Chamel, si je ne me trompe pas, c'est bien ça? Chamel. Ouais, Chamel, c'est bien ce que je viens de dire. Oui, bonsoir Gérard. Bonsoir à toi, donc ta fréquence de Nice? Ma fréquence de Nice, c'est 97.2. D'accord, donc c'est un débat sur la mode, donc on peut peut-être demander, je sais pas, j'ai peut-être une idée là, ouais. On peut peut-être rappeler Bibi pour qu'elle participe. Non, qui c'est qui dit non là? Non mais on dit pas que c'est elle, non, on mais va si lui donner ça... un pseudo, un mystère, un... Non, mais on va... épique mystère ou... On va bien voir. Donc... Ouais, c'est ça, t'as raison, toi. Dirigeable mystère. Foutez-vous bien de sa gueule et vous allez voir comment que ça va faire. Non, on peut pas l'avoir? Non, on peut pas. Comment mais si, ça on se peut... Je viens de l'avoir, arrête tes conneries, puis Manu. Non, mais c'est sa messagerie, vous foutez pas de ma gueule. T'appelles chez Henri, mais c'est bon. C'est le, c'est pas le... Attends, toi tu fermes ta gueule avec Henri, d'accord? Parce que sinon tu vas gerber. Non, mais elle a changé de numéro ou pas? Non. Donc c'est le bon, on a fait le bon tout à l'heure. Voilà, bah je te le mets, vas-y. Ça lui dit qu'un. Allô? Allô? Allô? Ok, la meuf. Tu lui fous la paix, d'accord? Salut, vous êtes bien sur portable de Sandy. Tiens, bon, Sandy, s'il te plaît, tu arrêtes avec ta messagerie, là, on essaye de te joindre, s'il te plaît, merci. Ah ouais, quand même, merde. Bon, alors, débat sur la mode, hein. Saucisson de cheval mystère, si tu écoutes. Putain, foule en route. C'est saucisson de cheval mystère, tu vas voir, tout à l'heure, t'as ma masse dans ta gueule. Bon, donc, c'est un débat sur la mode. Je pense qu'il y a pas mal de défilés qui sont... Non, toujours pas, Manu? Bon, bah, c'est pas grave. Ça va venir. Oh, ouais. Si tu peux nous avoir quelqu'un d'autre... Je cherche. Donc, c'est un débat sur la mode. Donc, pour vous, qu'est-ce que... Bouge. Bon, Fildar, s'il te plaît, tu arrêtes un petit peu. Mettez-vous en lumière, mon chou. Vas-y, on dit ton sort, là. Vas-y, tu prends la lumière, vas-y. Allez, vas-y, sérieux, vas-y. Première question, vas-y. Bon, pour vous, à votre avis, la mode, pour vous, qu'est-ce que ça représente déjà pour vous, les défilés de mode et tout ça? Pensez-vous qu'il n'y a pas trop d'arnaques? On va demander à Noamo, non mais Fildar, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu t'amuses pas à... Non mais tu sais qu'il y a Jean-Marc là qui règle le son en même temps. Donc, ouais, non mais... C'est pas moi ce soir. Hein. Ah ouais, parce que là, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai plus rien. Bah tu es au courant. Pour vous, pensez-vous que c'est pas un truc d'arnaque? Je sais pas, moi, d'après ce qu'on entend dire, par exemple avec Laetitia Casta, tout ça, ouais. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Bah ouais, bah c'est carrément de l'arnaque. Quand tu vois qu'un slip kangourou, par exemple, c'est 1 million de francs. Non, mais attends, ne commence pas à dire des conneries comme ça, je te demande. Bah non, mais c'est pas des conneries, c'est vrai. Tu regardes le défilé de... De Kevin Gland. Par exemple. Quoi? Calvin Gland, tu connais pas? Non mais attendez, vous êtes sûr que vous êtes bien branché sur Fun Radio? Ah ouais, à fond. Ouais mais je crois pas là, hein. Ouais, bon, je crois qu'à mon avis vous vous éloignez de la question que je vous pose. On va se rapprocher alors. Pour vous, mais qu'est-ce que vous en pensez de ce qui se passe à l'heure actuelle? Moi je pense que ça représente quand même un bon vivier de bonnes filles quoi quand même, tu vois. Moi, je vais te dire que je traîne dans les milieux de la mode, en fait, parce que ça me permet de côtoyer des filles mignonnes. Et que ouais, mais... ça me permet de ramasser un maximum, quand même. Faut faut être réaliste, faut le dire, quoi, tu vois. Non, mais là, avec l'histoire qui se passe, là, l'histoire de ce qui se produit à l'heure actuelle. Et, bah, y a, elle est partie, soi-disant. À Londres. Elle est partie à Londres. À Londres. Elle est en prison. Bon, Phil Dart, arrête, s'il te plaît, mais tout à l'heure. Débat sur la mode. Putain, mais tout à l'heure, je vais t'éclater le visage, tu vas voir. Non, pas la putain, rondelle, mais merci. Arrête, merde. Putain, mais c'est un débat sur la mode. Ouais, je mais faire merde, des arrête. Mais arrête un peu tes conneries aussi, ça commence à bien faire. T'es magnifique, t'es magnifique. Ouais. Allez, vas-y, putain. Les poils qui sortent du slip, c'est limite. Laetitia Casta est partie à Londres. Pourquoi, Gérard, s'il te plaît, réponds. Mais non, mais c'est aux auditeurs aussi de. Non, mais t'allais leur expliquer. Pour payer moins d'impôts, et puis voilà, c'est bon. Mais ouais, mais qu'est-ce que vous. Pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas? Bah, bien sûr, elle a bien raison. Ouais, mais là, c'est un débat sur les impôts. Mais non, mais de toute manière, appelez des défilés, elle gagne du fric, ouais. Comme tout le monde. C'est clair. Donc, je vois pas pourquoi qu'elle partirait comme ça. À Londres. Bah, t'as pas mal de personnes qui font des défilés de mode, ouais, et qui partent pas comme ça à l'étranger, ailleurs. C'est faux. Surtout qu'elle représente la fusée Ariane. Ouais. Non, c'est pas la fusée Ariane, espèce de con. C'est quoi? Putain, mais, hey, mais t'es vraiment vachement au courant de ce qui se passe, toi. C'est pas la puce à Ariane. C'est quoi? C'est la Marianne. Ah oui, merde. Putain, mais il est complètement tombé, lui. Ouais, GG. Oui. Tu penses que Laetitia Castel pourrait faire une bonne Marianne en Angleterre, toi? Bah, moi, je peux. Si l'applique pour faire leur Marianne à eux, franchement, y a pas moyen. Non, quoi. Mais moi, je peux te dire une chose, que ce qui se passe à l'heure actuelle, bon, maintenant, ils en parlent plus, mais moi, je peux te dire une chose, que là-dessus, c'est vraiment. Oui, Manu. Ouais, pouce. On va accueillir Oxpabo, 25 ans de Paris. Bonjour, c'est Oxpabo. Salut, Oxpabo. Salut. Bonjour. Salut. On sent un œuf. Pourquoi t'es pas beau? Ben, en fait, j'ai eu des petits problèmes d'acné quand j'étais jeune et j'ai des petits trous un peu partout sur le visage. T'as des cratères sur la gueule? Ah, exactement. Bon, pour un son, on parle pas de ce que t'as sur la gueule. Parle de ce que t'as sur le cul, c'est-à-dire... Non plus. Pour un son, on t'en... Bon, ça y est, là, oh. Eh putain, quand c'est Max qui anime des débats, vous répondez quand même, hein. Ouais, là, c'est un débat sérieux. Ouais, sérieux. Allez, bon. Mec, sérieux. D'ailleurs, en étant sérieux, je suis allé à un défilé de boîtes à caca ce week-end, c'était mortel. Ouais, moi, c'est ça, je kiffe bien ça, en plus. Ouais, c'est bien sympa. Ça, c'est un truc... T'as pris des photos? Donc, on en était à... Gérard, on en était où? On en était à... On en était là-dessus, donc pour se dire une chose, qu'à l'heure actuelle, c'est pas parce que les gens se font du blé. Bon, tu me diras, tout le monde se fait du blé là-dessus. Mais, oh ta gueule, toi. Quand je t'appellerai pas de chambre, tu sortiras de sous lit, d'accord? Non, mais c'est pas la peine de les couper, Fidel. Tu me dis, Gérard, tu me fais un signe quand tu veux. Non, non, mais c'est pas la peine de les couper. Il y a un Larsen, là, il y a un Larsen. Y a Moussaillon, c'est les innocents. Salut. Non mais c'est bon, tu vas pas, vous avez pas recommencé comme hier avec cette histoire. Oh, vous fermez vos gueules, vous répondez correctement, sinon je vous gerbe. Bonjour, c'est Joe Cocker. Joe Cocker. Vas-y, Gérard, je les ai coupés. Oh là là là là là. Vas-y, je les ai coupés. Vas-y, je les ai coupés. Ça commence mal, Fildar. Hein, vas-y, je les ai coupés. Vas-y. Ouais, vas-y. Tu vas voir tout à l'heure, je vais t'en mettre une, moi. Donc pour. Bonjour, c'est Eddie Mitchell. Merci Pildar, continue, tu m'intéresses. Allez, c'est bon, sérieux. Donc. Donc Laetitia Casta. Bon, ouais. Elle fait partie de la mode. Bon, ça y est. Elle est allée à Londres parce qu'elle avait trop de pognon. Non, je sais pas, il y a une histoire là-dessus, on sait pas ce que c'est, de toute manière, on le saura jamais. Mais je peux répondre, GG? Oui. Parce qu'en fait, c'est pas la seule, hein. Tu sais, il y en a plein en fait qui habitent pas en France, en fait, elles habitent aucune en France. Ouais, mais ça, de toute manière, ça a toujours été comme ça, mais le problème qu'il y a... Mais de toute manière, vous pouvez tous réagir sur la question, parce hein. Parce que moi, je sais que Yvette Horner, elle habite en Suisse, par exemple. Ouais, par exemple. Bon, attends, Yvette Horner, elle fait pas... Oh, Cordy, elle est belge. Bon, attends, c'est qui... Bah quoi, j'apporte ma pierre au débat, quoi. Non, non, mais attends, Annie Cordy et Yvette Horner ne font pas des défilés de mode, d'accord? Attends, Yvette Horner, elle était belle quand même. Oh là là là, putain, mais qui c'est qui m'a choisi ces câbles? Manu. Elle copine avec Gauthier quand même. Manu! Elle copine, s'il vous plaît. C'est quoi là? C'est des gens qui se connaissent dans la mode. Mais attends, ils y connaissent quoi là? Ils parlent de musique alors qu'on parle de mode. Mais non, parce qu'elle a quand même été habillée par. Qui? Bah, l'autre. Gauthier. Ouais. Jean-Gaultier. Mais n'importe quoi. Yvette Horner, elle a été animée par Jean-Paul Gaultier. Mais vous dites que des conneries, vous savez rien, bande de câbles. Mais t'es taré ou quoi? Attends, la coiffure, bien sûr. Attends, quand elle avait ses trucs bleu, blanc, rouge, c'était Jean-Paul Gaultier. Mais c'est qui alors? Ça n'a jamais été. Bon, t'arrêtes avec c'est ça, pas ou moi, je t'éclate. J'étais comme ça. Tu vois ou je t'éclate le bénur. Bien que c'est un auditeur. Bonjour. Là, c'est moi, tu vois. Il y a une différence de son, non? Vous arrêtez avec ça. Bonjour, c'est Joe Cocker. Ah ouais, c'est pas du tout pareil. Toi, c'est pas moi. Tu vois, j'ai su. Jean-Louis Aubert. Tu vois, il l'a pas, Jean-Louis Aubert. Bonjour, c'est Jean-Louis Aubert. Bon, ça y est. Enfin bref. Eh putain, mais vous êtes vraiment des enfoirés tous c'est les deux. C'est pas hein. Moi. Je vous demande. Je les ai coupés. Vous êtes vraiment des enfoirés quand c'est Max, vous foutez pas votre merde et quand c'est moi, vous foutez votre merde grave de chez grave. Hein. Donc on en était où? Donc on est en train de discuter de soi-disant l'histoire. De l'histoire. Non. D'Yvette Horner avec Jean-Paul Gaultier. Ouais. Là, c'est qui voulait parler de ça, là? C'est MC Soulard. Moi, je sais que, comme disait Philou, il lui avait fait une robe bleu-blanc-rouge, qui était assortie à son accordéon. Ouais. Et c'est vrai qu'il y avait eu... Parce que tu crois qu'il y a eu un accordéon bleu-blanc-rouge, toi? Bah oui. Bien sûr, non, bien mais sûr. N'importe quoi. Une émission spéciale chez Pascal Sevran. Ben. Ouais, bah attends, Pascal Sevran, on en a rien à foutre. Bah oui, mais voilà, c'est tout. On s'en fout. Bah, c'est tout ce que t'as à dire? Bah tu me demandes, je te réponds, tu me demandes est-ce qu'il lui a fait une robe, je te dis oui. Non, moi je te dis que non. Et ben moi je te dis... Aspo MC Soulard a raison, il lui a même fait un appart, elle a tout son appart en bleu, blanc, rouge. Mais bien sûr. Vous allez me faire avaler ça? Il paraît même que sa chatte, elle est bleu, blanc, rouge. Ouais, bien sûr. Elle a pas le cul bleu, blanc, rouge? Il lui a fait le cul aussi. Non mais vous êtes vraiment des nazes là. Il paraît qu'il va se faire un kiss en bleu blanc rouge parce qu'on se fait à la mode en ce moment. Ouais, bah alors attends, MC Solar ou Noamo Combo ou Aspo, prochain qui s'amuse à dire une connerie, je vais pas hésiter, je vais en prendre un au hasard, il va gerber. Bah non. Grave de chez grave. Ouais, c'est pas moi. Non, ça c'est pas moi. J'ai envie de câlin. C'est toi. Non. Alors vous lui foutez la paix, d'accord? Et toi le premier. Regarde. Que... Tu vois, c'est pas moi celui-là. Ouais. Hey. Non mais Gérard, sérieux. Hey. Tu arrêtes. Balancez, j'ai envie de câlin là. Vas-y. J'ai envie de câlin. Bon, alors Noamo, voilà. Au revoir. Hop. Noamo Combo, tu lui dis au revoir Manu, s'il te plaît, tu reprends quelqu'un d'autre. Ouais. Merci. C'est qui Noamo Combo? Voilà, comme ça, ça va plus vite. Alors, on a fini avec l'histoire de Laetitia Casta. J'ai envie de câlin. Putain, mais vous commencez à me les gonfler sérieusement. C'est qui fait ça? C'est pas grave, enchaîne. Vas-y. Hein? Je commence à en avoir ras-le-bol. Allez, vas-y, Gérard. Bon. Alors, pour ceux qui... Pensez-vous que... Ah, une question qui est bien. Pensez-vous que les nanas gagnent plus de fric que... Merci, Fildar. C'est pas moi, putain, c'est... Jean-Marc, fais pas le con, non, c'est ouais, pas le soir. Putain, là, c'est chaud. Jean-Marc. Oh, Jean-Marc. Jean-Marc, putain. On dirait qu'on nous a crevé le tympan avec des aiguilles Jean-Marc à tricoter. Jean-Marc. C'est bon. C'est bon, j'ai remis. Allez. Non, c'est toi, là. Non, mais regarde. Allez. Tu vois, là, t'entends? Reviens. Là, c'est bon. Attends, c'est grave de chez grave, là. Jean-Marc, il fait des essais sons. Attends, pas à un moment donné, t'as plus rien. Non. Mais attends, mais c'est lui mais qui c'est coupe, bon, là. Mais non, c'est Jean-Marc, pas moi. Il fait des essais à côté. Allez, ouais, vas-y. Bon, pensez-vous que les... Tu l'as dit à Jean-Marc? Bah, j'arrive pas à le voir. Jean-Marc. Il vient de gueuler. Jean-Marc. Allez, Jean-Marc, c'est pas le con. Punaise, Non, mais c'est pas le con. Oh là là. Allez, vas-y, t'as envie de te bon. Fildar, tout à l'heure, je vais t'éclater. Excusez-moi, cher ami Gérard. Ouais. À la place de Naomo Kambo, que t'as viré comme une de mer, on accueille Pousso Rabanne. Bonsoir. Salut, Gérard. Bonsoir. Salut, Pousso. Je fais mon comeback. Quoi? Ok, le mec. C'est de l'anglais, c'est pas grave. Ça veut dire qu'il t'apprécie beaucoup. Allez. Bon, pensez-vous que les mannequins gagnent plus? Les mannequins. Oh là là, hé, oh. Tu fermes ta gueule, toi, et puis c'est s'il tout. S'il te plaît, tu restes tranquille un peu. Oh, si t'es pas content, tu dégages. Non, non, pas du tout. Oh, vous allez vous... Bon, pense à vous que les mannequins gagnent du pognon plus que d'autres. Bah ouais. Alors oui, qui ? Bah, Poussot Rabanne. Ouais, alors vas-y. Bah alors bien sûr, qui gagne plus d'argent que les autres. Non mais attends, explique. Tu vas pas comparer le salaire d'un mannequin et le salaire d'un éboueur, ça n'a rien à voir. Non mais attends, tu peux préciser... Oh là, oh. Bah je précise, c'est juste qu'il se fait plus de thunes, quoi. Y'a rien à préciser, c'est tellement ridicule comme question. C'est mathématique. Ah ouais, c'est ridicule. Non, c'est t'as, pas, t'en c'est t'en pas une, ridicule. T'en as une de bien, une question. J'ai envie de câlin. Eh, hey, vous me faites chier avec vos câlins tout à l'heure, vous allez vous faire enculer avec vos câlins. Oui. Eh putain, mais... Je peux rien faire, Gérard. Arrêtez les auditeurs avec ça, merde. J'ai envie de câlin. T'as donné de l'affection un peu, mets-lui dans les fesses. Là. Bon, Chamel, dégage. Essaye de l'appeler, et justement, allez, hop, Manu, Chamel, j'ai viré Chamel. Essaye d'appeler Sandy, justement, qu'on voit, c'est dans le allez, câlin. Voilà. Chamel, on lui dit au revoir. Sandy, ouais, en Michelin. Hein. Je sens que tout à l'heure, ça va encore déménager sec. Je viens d'en virer deux, mais je crois que ça va encore virer. MC Solar. MC Solar. Soulard. Ouais. MC Soulard. Oui. Bon, tu réponds à la question. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui... Non. Bah si, qui se promène dans ce milieu-là. Et je pense que l'argent est principalement monopolisé par les filles. Mm-hmm. Parce qu'il faut quand même savoir que les filles, ça gagne à peu près le double de ce que gagne un homme. Et c'est encore un bel exemple de la non-égalité des sexes. Mmh. Non mais, par contre, moi, une question que je vais vous poser pour ça, là. T'es ouais. toujours là ? Ouais. Apo ? Ou Oxpabo. Apolline. Oxpabo. Ouais, Oxpabo, là, t'es toujours là ? Ouais. Bon, une question que je vais vous poser, moi, je sais pas si vous allez répondre, même MC Soulard. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez, vous ? Putain, mais c'est dingue, quoi, là, le double son que... Je sais, mais j'y peux rien. C'est grave de... Non, là, là, non, là, c'est là tu m'as tout coupé. Et là ? Là ? Ah non, mais là, ça résonne grave. Et là ? Hein. Là ? Ah non, mais... Et là ? Mais non, mais arrête tes conneries! Mais c'est pas moi! C'est pas lui! Il y a un problème avec le son, fais écouter! Oh là! Ah non, mais c'est grave là! Vas-y! Mais non, mais ça marche bien! Non, mais attends, moi. Moi j'entends comme des petits crapauds. Qu'est-ce qui se passe? Non, là ça se passe bien! Ouais, c'est bon le son, nickel là! Je comprends rien là! Ah là non, là c'est là! Ah, c'est bizarre! Bah Jean-Marc, de lui! Gueule Jean-Marc! Non, non, c'est lui là! Mais c'est l'autre là! Attends! Y'a quoi là? Ah, c'est bon là! Ah, mais non, j'ai plus rien, merde! Et là? Ah, c'est bon là? Ouais, là ça va mieux là. Oh là! Ça, c'est un débat là. Oh, c'est nickel c'est un là. Débat de merde là. J'enlève le THX. Non, non, il y a pas mal de trucs. Hein, on a avancé un peu dans le débat. Ouais, je crois. Je crois pas qu'on aille avancer parce que là, c'est grave. C'est grave. Oh, t'arrêtes un peu! Oh, le Dolby, ça ressort bien là. Ouais. Eh putain, mais! On au standard, où. Vous faites de la merde, et là vous foirez encore les débats. Noémie, elle est là, Noémie, appelle Noémie. Putain, mais toi tu vas dégager d'ici, toi, parce que tu m'énerves. Appelle Noémie. Bon, Noémie, tu viens au standard. Il y a Olivier de la Pro, si tu veux. Ta gueule, toi. J'ai une jambe en plastoc à trop fourrier. Allez, dégage, toi, au revoir. Non, essaye allez. D'appeler, on va essayer d'appeler. Mais non, c'est sa messagerie encore. Saucisson à l'ail mystère. Mais oui, c'est sa messagerie. Non, saucisson à l'ail mystère, elle t'emmerde. Noémie, appelle Noémie. Chibrodan mystère, là, ça sent. Noémie! Bandi Panda mystère. Ta gueule, toi! Bandi Panda. Attends, va la chercher. Bumbo. Vas-y, cours! Vas-y, Steve! L'homme va chercher Noémie. Arrêtez, c'est le bordel, là! Mais oui, c'est nul. Tu gères pas ton débat, GG. En plus, tu pues. Noémie! Noémie! Tu es dans le bureau. T'essayes de m'appeler Sandy, s'il te plaît. T'as compris. Et tu te manges un peu. Ouais. Oh, toi, tu fermes ta gueule, tu fais ton boulot au standard. Non, je la booste un peu parce qu'elle pour est lente. Pour l'instant, tu fermes ta gueule. C'est pas toi qui commande. Alors, tu fais ton boulot et tu t'écrases. Chaud. C'est chaud. Ok. Allez, hey, mais t'es tombé, toi, ou quoi? Gérard, l'audience chute. Ouais, mais c'est de leur faute, là. C'est quoi, c'est de crabe, là? Non, mais là, il essaie de gagner du temps parce qu'il a pas d'autres questions. Mais oui, toi. Il est dans la merde. Si. Une question que je vais poser aux auditeurs. Pensez. Attends, avant ça, on accueille Estelle. Bon, ta gueule. Mais on accueille une auditrice. On accueille Estelle Olida. Oui, bonsoir. Estelle Onida. Bah oui. Tu peux pas éviter de prendre une marque de saucisson, espèce d'andouille. Excuse-moi, c'est son nom. Je t'appelle bien comme... Comme c'est pas l'oncle, c'est pas le petit neveu, c'est ce que tu sais, c'est pas de ta faute. Bande de cave. Comme le fils de mon oncle. Ouais. Voilà. C'est ce que je cherchais. Gérard, fils de mon oncle, on va t'appeler. Il y en a qui l'appellent fils de. Chaud. Au niveau de la pluie, quand même, c'est chaud. Ouais. Bon, on enchaîne. Ouais. Un nom en particule. Bon, Estelle, t'appelles d'où? J'appelle de Paris. Ouais, 101 points. Eh, mais c'est bien, mais. C'est ouais, tu vas dire que tout le monde vient de Paris, mais tu sais que le monde de mannequinat, c'est très très fermé. Ouais, mais. C'est très très ouvert de la nuit, c'est très très fermé. Mais attendez de l'extérieur. C'est fashion. On peut rien. C'est vachement fashion, quoi. Non. Ouais, mais c'est surtout fashion. Elle veut pas te parler, donc. Donc la messagerie, ça m'étonnerait que ça soit le bon numéro que tu fais. Tu me le fais en direct. Tu le fais en direct, tu passes sous la console, tu le dessins. Non, mais tu fais le numéro, s'il te plaît, on va essayer de l'avoir. Vas-y, Naomi, fais. Alors, pour vous, pensez-vous... J'ai envie de câlin. Allez, on veut. Bah, alors, Putain, mais ça commence à m'énerver, cette histoire-là. J'aime bien, moi. Bon, pensez-vous que même les jeunes qui font des défilés de mode, c'est-à-dire femmes et hommes... Tiens, justement, elle est bien ta question, mais j'avais juste un truc. À quel âge on peut commencer à faire mannequinat? Parce qu'il y a des filles, ils les prennent de plus en plus jeunes. Ouais. Bah, très jeune, hein. Déjà pour les couches à caca, quand t'es tout petit, tu peux faire de la... C'est qui vient de dire ça? Qui c'est qui dit ça? C'est Pousseau Rabanne. Ouais, bah Pousseau Rabanne, au revoir. Bah, attends, j'ai rien dit. Comme ça, tu diras voir les boîtes à caca. Mais non, allez, hop, tu vas aller voir les couches à caca dans ton lit. Au revoir, hop, bonne nuit. Non, mais sérieux, Gérard, réponds à la question. Bonne là. Nuit. Il est réponds à la question. Non, déjà, faut bien se dire une chose. C'est qu'à l'heure actuelle, que ça soit sur la musique ou même sur la mode, à l'heure actuelle, les jeunes se font arnaquer. Et je me demande qui en profite derrière. Et c'est la question que je vais poser à Estelle, à Aspo, je sais pas quoi, et à MC Soulard. Donc si on pouvait les ravoir... C'est quoi la question? C'est de savoir si les jeunes ont le droit de se faire arnaquer qu'on presque 12 ou 14 ans. Est-ce qu'ils ont le droit? Parce qu'on peut se dire une chose... Il y a pas mal de jeunes qui sont piqués l'argent qu'ils gagnent quand ils font des trucs par les parents. Et ça, je trouve ça dégueulasse de la part des parents. Dans la mode. Mais que ça soit dans la mode, n'importe où. D'accord. Donc Jordi, quoi. Voilà. On s'en fout, mais... Ouais, mais on s'en fout peut-être, mais c'est un exemple probant, oui. Oui. Ouais, mais enfin là, oui, Gérard, je voulais accueillir un auditeur. À la place de Pousseau Rabanne, on accueille Jean Pousse Gauthier. Oui, bonsoir. Manu. Bonsoir. Attends, 5 minutes. Oui, Manu, un conseil que je te donne. Ne t'amuse pas. Non, c'est pas le même. Je te le dis tout net, je vais raccrocher à la gueule à Pousseau, c'était un naze. Et c'est comment là? Jean Pousse Mystère. Jean Pousse Gauthier, pardon. T'appelles d'où, Jean Pousse? Ouais, j'appelle de Paname. Bien sûr. T'en pousses combien la fois? 101.9, bien sûr. Ouais, c'est bien, on a rien que des gens de Paris. C'est de la mode, c'est parisien, c'est fashion. C'est fashion. C'est in. Donc alors pour vous la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'on a des jeunes qui sont arnaqués comme ça? Ouais, mais ça c'est pas seulement dans le milieu de la mode, hein, c'est aussi dans le milieu du cinéma, de la chanson, c'est pas spécifique à la mode. Hein. Mais si, mais même dans la mode, de toute manière, bientôt ça va arriver. Oui, non, mais c'est pas vrai, parce que moi, tu vois, j'ai commencé, j'avais 13 ans, et tout l'argent que je gagnais, eh ben, c'était bloqué sur un compte jusqu'à mes 18. Hein. Ouais, mais alors attends. D'accord, c'est Estelle, hein? Non, bah oui. Ouais, mais Jean Pousse, et puis qui c'est qu'on a? MC Soudard. Ouais. T'es toujours là? Ah, bien sûr. Ouais, on est là, ouais. Et qui c'est que j'ai? Oxtabo. Et j'ai qui? Oxtabo. Oxtabo, hein, c'est ça? Ouais, exactement. Oxtabo. Donc, si vous voulez réagir là-dessus, mais moi, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que Estelle a dit qu'elle a un compte qui est bloqué. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que d'accord, les comptes sont bloqués, mais pourquoi que là, il y a une signature qui est faite, comme Fildar a très bien parlé de l'histoire de Jordi. C'est une dérogation, non? Mais comment que ça se fait que les parents en profitent? C'est pour le droit à l'image. Tu sais, toi, t'en parles quand il y a tes photos de cul sur Internet. Et en fait, pour les enfants, c'est pareil. C'est le droit à l'image. Donc, les parents doivent apposer leur signature. C'est normal. Mais comment que ça se fait? Alors, une question que je vais te poser, Estelle, même Jean Pousse et MC, ouais. MC Soulard ou Stabo, si tu veux répondre. Mais comment que ça se fait que les parents de Jordi ont pu lui retirer tout cet argent. Comment c'est qu'ils ont pu... Bah c'est le contrat. Mais il avait une dérogation. Mais non, avait une dérogation. C'est parce que c'était ses producteurs. Voilà, c'est le contrat. Non, mais il y a eu quelque chose. Ouais, puis ce qu'il faut expliquer à Gérard, c'est que Jordi, il n'était pas majeur. Ouais, non, ouais, mais d'accord. Ça, faut qu'il le comprenne aussi. C'était pas un nain, c'était un enfant. Hein. Ouais. Ouais, non, mais même. Non, mais attends, il y a un truc. Attends, GG, toi, t'auras des enfants, imaginons. Ok, imaginons que. On imagine. Imagine que tu sois encore fertile. Bon. T'as des enfants. Est-ce que toi, t'accepterais qu'ils fassent de la pub ou du cinoche ou de la chanson? Non, mais attendez. Parce que là, moi, la question que je veux vous poser. Ouais. Ouais, j'en avais une, mais bon, elle est trop violente. Ouais, moi aussi. Oui. Ouais, mais j'ai pas osé non plus la faire. Ouais, mais bon. Non plus. Non, mais il y a une question. La question, est... c'est de savoir avec les. Parce que comment que ça se fait que les parents ont carrément subtilisé carrément sur le compte sans la signature. Parce que regarde, le gamin il sait pas signer, donc c'est les parents qui doivent signer. Toi c'est sûr tu fais une croix, donc tu pourrais pas signer pour tes gamins, c'est sûr. Mais dans un cas normal, normalement c'est les parents qui signent à la place des enfants. Non mais... Je sais pas. Tu vois. Elle fait des films de cul, Robin. Oh putain c'est chaud ça. Alors celui... Ouais, j'ai entendu une voix de fille, hein. Ouais. Je balance pas, mais bon. Ah non, non, pas qui... celui qui vient. Qu'est-ce qu'il y a? Mais attends, attends, j'ai coupé parce que j'ai un problème. Il y a un problème. Celui. Oh, t'arrêtes un peu là parce que j'ai plus rien. Ouais, mais c'est quoi là mais t'as quoi? Qu'est-ce que t'as? Putain, c'est dingue de travailler avec vous. Qu'est-ce que t'as? T'as une double voix? Ouais. Et là? Alors enfin, ça va être déjà un peu mieux. Et là, c'est mieux? Manu, t'éteins ton micro. D'accord. Là, c'est mieux là? Voilà, j'ai rien du tout. Mais si, bah attends. J'ai rien, moi. Et là? Bon, déjà, je veux prévenir celui qui a parlé de Roselyne s'en va, donc on va... Mais c'est qui? Hop, Ostabo, là. Tu lui dis au revoir carrément. Allez, hop, par terminé contre, pour lui. Il y a une question sur Internet. Mmh. On me demande pourquoi l'e-book, c'est si cher, alors que tout le monde peut en avoir en se laissant pousser la barbe et que même ta femme, elle en a un. Alors, déjà... Alors, Noémie, tu viens là pour... Tu viens là pour quoi faire? Non, mais attends... Oh! T'entends, là? T'entends ou pas? Eh mais non parce que là il faut garder ce son là mais il faut augmenter ton volume de casque. Mais ça y est moi je suis à fond. T'es à fond là mais non regarde là t'es à fond là c'est bon là. Là t'entends là. Mais c'est Jean-Marc ça je peux rien faire. C'est Jean-Marc qui gère hein. T'as mal le mec du son hein. Mais là je suis à fond. Mais tu changes de côté tu te mets là. Et là c'est bien là. C'est bien là. Bah enfin. Bah voilà. Bon Noémie tu viens là pourquoi? Bah pour vous aider. Ah ouais mais attends. Ah, tu décroches alors, hein, tu fais pas ta vie. Tu décroches là il y a des lignes qui sonnent. Je vois ça. Là, allez, c'est pas la peine c'est pas la peine d'essayer de poser des questions internet parce que c'est faux, hein. Il y a aucune question, hein, parce que pour l'instant l'internet vous êtes même pas capable de vous en servir. Excuse-moi, enchaîne, tu fais chier là. Ouais bah on va Fildar s'il te plaît, tu remets du son, merci. Mais attends, mais là je comprends pas, moi j'ai un super son. Moi, j'ai. Le pire, c'est que moi aussi, donc. Moi, j'ai presque rien. Bon, c'est bah, pas grave. Change de trou. Mais non, tout à l'heure, j'ai changé de trou. Hey. Mais il n'y a pas toujours des. Oh, chaud là-bas. Chaud la braise, hein. Oui, ma ça salope. Ça suffit. Il n'y a pas toujours des. Quoi, ma salope? Attends, je ne suis pas ta salope, hein. Allez, on y va, le débat, là. Bon, donc, vous êtes bien sur Fun Radio. Donc, vous pouvez toujours nous appeler au 0803-08-5000. C'est Manu qui est au standard et Filda qui est à l'AREA. Donc, on récupère Estelle. Bonsoir. Rebonsoir. Jean Pousse. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Et MC Soulard. Et Jean Pousse Gauthier. Ouais. Jean Pousse Gauthier, ouais. Ah ouais, Jean Pousse Gauthier, ouais. Et on a Alfonso qui vient nous rejoindre. Qui? Alfonso. Bonsoir. Oh là là, la radio, Alfonso. Bonsoir. La radio, s'il te plaît, le trave. Allô. Eh, la tantouse. La tantouse, tu baisses la radio, s'il te plaît, derrière toi. C'est la dernière fois que je te le dis, ou sinon tu dégages. Ça y est, je l'ai coupé complètement. Oui, et t'appelles d'où? J'appelle de Toulouse. Mais c'est quoi ce téléphone de merde? Ouais. T'appelles avec quoi comme téléphone? J'appelle avec un téléphone normal. Ouais, ben. Et c'est qui parle derrière toi? Tu peux lui dire qui se taise? Ah, tais-toi, Michel. C'est bon. Oh, ouais, tantouse. Ok, le mec. Ça y est. T'appelles d'où, tu m'as dit? Toulouse. Ta fréquence? 90.5. Pas ma grande. 90.5, ok. Ok. Bon, alors la question, je la répète pas, donc on va pas s'éterniser trop dessus, hein. C'est chaud, j'en sais un peu. Bah non, surtout que t'en as des nouvelles. Bon, alors, qu'est-ce qu'on... Bon, alors, Estelle, toi, t'avais dit que... toi, t'avais subi ce problème-là, hein. Pas du tout. Bah attends, c'est bien ce que t'as dit avant la pause. Oui, non, mes parents n'ont jamais touché à mon argent. Moi, c'est resté sur un compte à moi. Ah, d'accord. Voilà. Jean-Pousse Gauthier. Ouais, bah, moi, j'avais déjà répondu, je crois, tout à l'heure. Non. Non, t'avais pas répondu. Ouais, parce que j'ai pas très bien compris cette question, moi. Ça... Bon, alors, si t'as pas compris la question... Ouais, tu la répètes, gentiment. Non, non, je vais pas... Putain, mais où... ouais. Je vais pas te la répéter. Dans ces cas-là, tu vas aller dormir. Mais non, tu vas dormir. Tu vas dormir. Tu vas dormir. Faire un débat normal. Tu vas dormir. Comment tu vas. Tu sais que les parents ils abusent et qu'ils prennent le fric aux mannequins. Ouais, exact. Voilà, ça y est, t'as. Si je t'avais même répondu que Jordi tout ça, mais si je t'avais répondu. Non. Ce que on a parlé de Jordi, c'est avec Estelle et. Non, c'est moi et c'est moi avec Estelle qui avons parlé de Jordi. J'ai envie de câlin. Bon, alors celui qui a, ça commence à bien faire cette histoire, vous commencez à me les gonfler. Tu me vires Jean-Pousse Gauthier. Au revoir, ce coup-là. Terminé, au revoir. Ça y est, j'écris pas. Allez, hop. Je commence à en avoir le bol. Tu t'abîmes ta corde vocale. MC Soulard. Bah écoute, moi je pense que ouais, c'est de l'exploitation. Moi je sais qu'il y a aussi des gens qui exploitent les vieux, qui les obligent à faire des tournées accordéon, tout ça, et qui leur soutirent l'argent pareil. Hein. Non mais attends. Si, pareil. Attends, tu parles d'accordéon alors qu'on te parle de défilé de mode ? Mais non, mais tu me parles des enfants, moi je te parle des vieux. Mais attends, mais. Qui vont pas faire des défilés de mode parce qu'ils ont plus la ligne. Mais par exemple, il y a des exemples où, comme Jordi, tu m'écoutes ? Ouais. Ouais. Donc je te disais, il y a des exemples comme Jordi, ça s'est passé pareil. Alors attends, dans ce cas-là, je vais te renvoyer. Vas-y, renvoie. Je te renvoie la balle dans ton camp. Est-ce que tu penses que celui qui vient de sortir un album, là, qui a 14 ans, qui joue de la guitare... La grille. Est-ce que tu crois que ça va... Ça s'appelle comment ? Je sais plus, j'ai pas son nom en tête. Est-ce que tu crois que ça va faire comme Jordi ? Je sais pas, mais moi je crois, regarde, il y a des gamines, regarde Vanessa Paradis, elle a commencé, elle avait 14 ans, et puis oui. Voilà, ça s'est bien fini pour elle. Oh non. Elle a commencé dans un taxi en plus. Mais attends. Avec un mec qui s'appelait Joe même. Ouais, non, mais attendez, là, on va pas se... Mais si, pas 11 ans, justement. Par contre, je vais vous poser... Non, mais par contre, Manu. Manu. Oui, on va accueillir Monsieur Mazur qui s'y connaît bien dans ce milieu-là. Ah bah voilà, un mec du showbiz. Voilà. Un fashion du showbiz. Ça m'a étonné. Bonsoir, Monsieur Mazur. Oui, allô, bonsoir. Salut, fashion. Ronaldo, c'est Monsieur Mazur. Bonsoir, Monsieur Mazur. 101.9. Comment allez-vous, mes amis ? Non, mais ça va bien. Je vous vous-même. Formidable. Formidable. Il y a un monsieur un peu homosexuel à l'antenne. Oui, non, mais pas du tout. Mais de toute façon, ce n'est pas grave. Vous avez passé une bonne journée ? Absolument, bien sûr. Bon, et le week-end était bien aussi ? Monsieur Mazur. Monsieur Ronaldo, je vous écoute. Comment allez-vous ? Monsieur Mazur, ça va bien. Monsieur Mazur. Oui, Monsieur Ronaldo, je vous écoute. Monsieur Mazur, vous fermez votre clapet. Oui. Hein ? Oui. Pour l'instant, vous écoutez les questions. Absolument, bonjour Moussaillon, c'est les innocents. Fildar, tu arrêtes avec bonjour le Moussaillon, c'est les innocents, parce que tout à l'heure, je vais te faire ouais, d'accord. Bonjour. Un innocent dans ta gueule. Bonjour, c'est Joe Cocker. J'ai envie de câlin, Joe Cocker. Bon. J'ai jamais vu Sandy décoré en Michelin. Hein. En Michelin. Pas besoin de déco, c'est tous les jours Noël à la maison, hein, GG. Eh putain, mais... Vous bon, ah non, allez, sérieux. Ça commence à bien faire, cette histoire. Vous allez arrêter avec ce bordel, parce que ça commence à me gonfler sérieusement. Mais de toute façon, c'est naturel, elle va envie de câlin, bordel. Bon, alors vous lui foutez la paix. Mais oui, mais vous c'est pas merde. Grave. Mais à vous emmerde. Mais on l'insulte pas, c'est pas méchant. D'accord, à vous emmerde, alors foutez-lui la paix. J'ai envie de câlin. Oh, la grosse, tais-toi un peu. Alors, Alphonse... Alfonso. La grosse, ça t'emmerde. Alors moi, je vais te dire une chose. La grosse, ça t'emmerde et je te dis au revoir. Allez. Voilà. Allez, bougez direct. Bon, alors, la question, c'était, Gérard. Donc, tu l'as posée à Monsieur Mazur, je pense. Ou non, mais de toute manière, il nous reste Estelle, MC Soulard. Manu. Yes. MC Soulard, oui. Il nous reste Estelle, MC Soulard et Monsieur Mazur. Hein. Ouais, exactement, t'as tout compris, Monsieur Mazur. Bon. Alors, on parlait du jeune de 14 ans là, qui fait de la gratte. Donc, est-ce que vous pensez pas que ça va se terminer comme l'histoire de Jordi ? Non. C'est qui ? Attends, déjà, c'est qui le jeune de 14 ans qui fait de la gratte ? Mais justement, j'ai pas son... Mais il fait pas de la mode. Oui. En Ouais, mais même. Monsieur Gérard. Si, si, si. Si, celui. Il n'a pas 14 ans, Gégé. Non, non, celui. Attends. Celui qui vient. Non, il mais. Est plus jeune avec la moustache. Non, non, non, non, non, non. Celui, celui que, qu'ils ont parlé là durant le week-end, il a 14 ans, donc c'est pareil. Hein. Mais c'est un mannequin ? Il a fait des défilés de mode aussi, d'après ce qu'il a dit. Hein. Il en a fait aussi, et il y en a un autre qui a une émission de télé, c'est pareil, il a fait de la mode aussi. Hein. Carreras, Olivier Carreras. Non, non, non, c'est un jeune de 13 ans aussi. Si, de l'AM6. De la 6. Non, non, mais c'est un jeune de 13. Donc, pour vous, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Mazur, parce que, Écoutez, moi je trouve que quand même relativement admirable, quoique un peu dangereux, qu'on puisse faire un jeune pendant 14 ans, c'est clair. Non, mais de faire des trucs comme ça, de vouloir profiter des jeunes de cet âge-là pour, pour leur prendre leur argent, est-ce que c'est normal ou pas? Non. Écoutez, moi je considère ça tout à fait normal, après tout, bien sûr. Mm-hmm. Si vous voulez, l'argent est tellement rare de nos jours qu'il faut servir où il y en a, bien sûr. Non, mais attendez, vous allez pas prendre de l'argent à un gamin de 14 ans quand même. Écoutez, monsieur Gérard, vous n'allez pas quand même vous me dire que à ce moment-là, il faudrait prendre de l'argent aux vieilles personnes. Nous savons comme vous aimez les personnes âgées. Ah, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Clair. Alors écoutez, si on ne prend pas aux personnes âgées, avant qu'elles claquent, il faut bien se servir chez les jeunes. Bah non, mais là, moi, je suis pas d'accord avec vous. Ah, mais c'est votre droit, non, je suis pas d'accord. Mais bien sûr. Je suis pas d'accord parce que de toute manière, on va pas s'amuser à prendre de l'argent sur un gamin. Monsieur Mazur, s'il vous plaît. Monsieur Mazur, s'il vous plaît, pour l'instant, vous vous taisez. Je vous en prie. Je vais répondre quand même à Estelle. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même l'histoire de la signature. Mais moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment que ça se fait. Que même pourtant le gamin il est en âge de signer, donc je vois pas pourquoi qu'on lui prendrait de l'argent. C'est moi, parce qu'il est pas majeur, c'est salut. Tout. Mais ouais, mais tu t'éloignes du sujet, là, on parle pas de mode. Hein. Ouais, mais même je suis pas d'accord, mais si, parce que de toute manière, même dans des trucs comme ça, de toute manière, il y a eu des problèmes d'argent là-dedans. Et dans partout, ouais, partout, il bah, y a justement là récemment, tu sais, il y a eu l'affaire Elite là. Tu sais, avec les mannequins qui se droguaient, ouais. Et tout, là, ouais, ouais. La prostitution. Ouais, ah, non, oui. Mais. Ouais, tu mais, vois, ça mène ouais, à tout, hein. Ouais, tu peux y arriver, ouais, tu peux y arriver. Ouais, mais t'as ça, t'as l'histoire de la drogue, après t'as l'histoire de la prostitution. Maintenant, savoir. Mais est-ce que tu penses que. Non, mais faire d'un seul coup, elle perdrait moins de temps. Se droguer en suivant. Non, il y a un truc qu'il faut bien se dire, ouais. C'est de savoir si les photographes n'en profitent pas entre deux. Ah, bah, ils se rincent l'œil, hein. C'est clair qu'ils se touchent, hein. Enfin, nous, ils nous touchent souvent, hein. Ouais, mais toi, ça. Et tout, ouais, mais t'as quel âge, toi, Estelle ? Moi, j'ai 23 ans. Et t'as fait ça à quel âge, à peu près ? Bah, j'ai commencé à 13 ans, je te dis tout à l'heure. Et quoi, la prostitution ou le. Ouais, les tous, c'était à quel âge ? Ça va ensemble, hein. C'est un peu de la prostitution qu'on fait, on se montre, on est des corps, quoi. Ouais, non, mais attends. Non, mais est-ce c'est que. C'est vrai que. Non, est-ce que. Faut bien se dire une chose là-dedans, c'est que c'est vrai que c'est un métier dangereux. D'accord. Mais non, pas du tout, faut pas conduire vite. Mais attendez, vous allez pas me dire que c'est un métier dangereux alors que. Absolument, monsieur Gérard, vous avez raison, on peut se casser un talon en défilant. Vous avez complètement raison, c'est un métier fort. Attends, Estelle. Estelle, tu vas pas me dire qu'en 10 ans, ça y est, t'as déjà oublié ce qui t'est arrivé. Mais dis-moi ce qui m'est arrivé. Mais attends, c'est toi-même qui dis qu'à 13 ans, t'as commencé à faire de la mode. Oui, attends. Alors non, faire la pute, c'est pas pareil. Non, j'ai fait de la mode à 13 ans. Ouais, et t'as eu l'autorisation des parents ? Mais évidemment. Bah bien sûr, il faut une signature. Ah ouais. Qu'est-ce que je voulais dire ? Vas-y Manu, mais je voulais juste accueillir un auditeur, on accueille Lascar, bonsoir. Salut, je m'appelle Thierry Lamule. Comme vous avez pu le constater, je suis un fantaisiste de talent. Ah. Si vous avez l'abeille, le bourdon. Bonsoir Thierry. D'accord. Je crois que on fera une petite réunion après un encore. T'es où, je me casse moi. On accueille Lascar. Ouais, ben Lascar, bonsoir, t'appelles d'où, de Paris ? Salut, ça va ? Bonsoir tout le monde. Lascar, t'appelles d'où ? Salut, ça va ? J'appelle de Sandy, un peu de respect, c'est un peu kiffer. Oh, tu me parles correctement, d'accord, ou sinon tu dégages. C'est bon, ouais. T'appelles d'où ? J'appelle de Saint-Denis, je viens de te le dire. Bonsoir. La fréquence ? Oui, bonsoir, monsieur Lascar. 100.9, je t'entends. Monsieur Lascar. Bonsoir, monsieur Lascar. Franchement, reste tranquille. C'est ça. Attends, tu parles à qui, là ? C'est bon, je parle pas à Watt. C'est bon, je me permettrai pas, Gérard. Bon, allez, hop, bonne nuit. Allez, va cuber. Allez, allez, hop, bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. En parlant d'hôpital. Au revoir. J'ai l'impression que monsieur Gérard vous a mis dans le vent, monsieur Lascar. Ouais, c'est clair, franchement, putain, Gérard. Non, mais Lascar, au revoir. Au revoir. Merci. Enculé, va. Pas de vérité à l'antenne, putain. Non, pas de. Donc, Manu, tu te mangues ou pas là ? Qu'est-ce que Manu, me de faire quoi ? De lui dire rien, putain. Ouais. Manu, ça fait la deuxième fois que je te lui, je t'ai dit de lui dire au revoir. Ouais. Et là, me faire traiter d'enculé en direct, j'aime pas ça. D'accord ? Y a que la vérité qui blesse. Toi, t'es qu'un gros con. Oh ! Ok ? Alors, me faire traiter d'enculé comme ça, non. Alors, tu lui dis au revoir grave. Ça y est, il est parti. Et c'est terminé, je veux plus entendre ça. Au revoir grave. C'est un avertissement que t'as. Merde. Le deuxième, tu prends la porte là. Oh. Merde. Ok. Ouais. Parce que après c'est la réunion. Oh, putain. Grave de chez grave. La Guadeloupe, c'est mieux. Ouais. C'est pas la réunion de tout à l'heure que vous allez aller, c'est à Miami. Vous allez remplacer le chef à Miami. Va faire une teuf dans un Boeing. Ouais, ouais. Allez voir à Miami si j'y suis. D'accord. Non, bah, ça m'étonnerait. Bon. Ouais, tu sais, sous les journaux, tu sais, sous les bancs. Avec une barbe. Fildard. Ouais. Deux pour toi. Bingo. Deux pour toi. Putain, faut que je me manie. Le troisième, c'est dehors et on récupère le puceau là qui était là. Bonjour Moussaillon, c'est les innocents. Non. J'ai encore une chance. Bon, Monsieur Mazur, Monsieur MC Soulard et Estelle, donc alors pour vous. Estelle Olida. Ouais, si je veux, j'appellerai Estelle, d'accord. T'es belle quand même. Bon, ça commence à bien faire, Fildard. Vas-y, grave. Vas-y. Ok, parce que ça m'énerve là. Allez. Bon, ah ouais, pour toi, donc alors Estelle, donc le problème, toi, c'est que t'as fait de la mode à 13 ans. Oui. Mais est-ce que t'as eu quand même une autorisation? Parce que, de manière, tu. Non, mais il y a quand même un problème qui se pose, c'est qu'en faisant des défilés de mode comme ça, normalement, il te faut une autorisation des parents écrite. Putain, mais ça fait 50 millions. Eh putain, on dit pas putain, moi. Oh putain, on dit pas putain, on dit maman travaille. Mais non, mais t'écoutes pas, ça fait 15 fois qu'elle le dit. Bon, Estelle, ça fait 15. Dégage. Au revoir. Voilà, ça y est, elle est partie. Ça fait 15 fois qu'elle te dit oui. Oh, je dis oui, j'ai une autorisation, oui. Non, mais attends, vu comment qu'elle me parle, vas-y, je suis pas son petit chien, moi. Bah non, mais attends, tu réponds. Je suis pas son petit chien. Tu lui parles de sa mère, c'est normal. Non, c'est elle qui en a parlé, c'est pas moi. Hein. Ah, j'ai demandé si elle avait l'autorisation des parents, c'est tout. Excusez-moi, on peut enchaîner, je peux accueillir des gens ou pas? Je peux bosser un peu? Vas-y, bosse. Putain, c'est pas facile. Hein. Ouais. On accueille Antonio Bandrapa. Salut, ça va? Non, salut. Putain. Et on accueille aussi... C'est qui? C'est Al Pucino. Bon, salut, ça va? Oui, c'est Al Pucino. Bonsoir Gérard. Voilà. Manu! Oh putain, un avertissement, je kiffe. Manu! Non, c'est bon. Ça fait 5 fois que je te dis de pas me reprendre les mêmes auditeurs. Tu m'as décroché aucune ligne. Mais j'ai tout fait là. Non. J'ai galéré au standard. Y'a aucune ligne. Excusez-moi, monsieur Gérard. Y'a aucune ligne qui a été décrochée, je ne suis désolé. Excusez-moi, monsieur Gérard, mais je suis monsieur Bandrapa et je ne suis jamais passé en. Ouais, monsieur Bandrapa. Quoi? Bandrapa. Ouais, d'accord. Et t'appelles d'où? J'appelle de Paris. Bien sûr. Mais c'est pas cher. Et l'autre derrière? Al Pacino. Puccino, pardon. Al Pucino, t'appelles d'où? J'appelle... Allez, Bordeaux. Hop là. Ouais. Non, allez. Allez, au pif. J'appelle de Boston. Je suis sur le tournage de mon dernier film. C'est ça, t'as raison. Fous-toi bien de ma gueule. Fous-toi bien de ma gueule, t'appelles de Paris. Allez, hop, 101.9 pour toi. Non, pas du tout, je passe par 101.9, vous êtes tous de Paris. Y'a aucun... Y'a personne de la... Non, mais c'est fashion, c'est la mode, c'est Paname. C'est fashion, c'est Paname, laisse tomber, c'est un truc de ouf. Ouais, non, mais attendez, à chaque fois c'est pareil, vous me mettez rien que des auditeurs de Paris. C'est mon pote. C'est parce qu'ils t'ont pas dit, mais t'aimais que sur Paris, on est en local. Ouais, c'est ça, t'as raison, espèce d'abruti. Ouais, prends pas de risque. Local, mon pote. Bon, donc on revient un peu dans le débat maintenant qu'on a tout le monde là, parce que. Allez, bah ouais, mais on a que des mecs, on a même pas une seule nana. Alors, c'est. Bah je vais trouver. J'ai déjà essayé, ça fait 20 fois que j'essaye. Ouais, non, mais attends. Hé! Tu vas arrêter de mettre ton truc, tu vas mettre un peu l'internet là, qu'on essaye de savoir ce qui se passe. Ah, mais ouvre tes yeux! Il est là, l'internet depuis tout à l'heure. Ouais, alors, mais je veux savoir s'il y a des questions intéressantes. Mais non, il n'y a rien. Essaye d'appeler Véranda Mystère. Oh, Fildar, s'il te plaît, t'arrêtes avec ça parce que ça m'énerve là. C'est pas moi. Grave de chez Grave, ça m'énerve. Mais arrête de dire ça, tu te crois. Non, non, mais ça m'énerve. Ou quoi, non, mais ça m'énerve. Ça m'énerve là. Tu vas débattre avec Difool ou quoi? Parle comme ça au foyer ou quoi? Tranquille. Qui c'est qui vient de dire ça? Qui vient de dire ça? Attention. Alors, je veux savoir qui c'est. Bon, la question là! Non, non, je veux savoir qui c'est qui vient de parler du foyer. Il fait traîner parce qu'il a trois pauvres questions, alors il fait traîner, c'est ça en fait. C'est qui vient de dire ça? C'est qui là? Tu cartonnes! Et putain, mais je. Mais je sens que je vais en saquer un tout à l'heure. J'ai envie de câlin. Mais sors-en un au pif, allez. Allez hop, tu me sors. Dis-moi. J'ai un truc de Bruno. Tu me sors Soulard. Allez, allez hop, Soulard. Ah, ça faisait longtemps. Hop. T'as vu. Terminé. Ça y est. Et tu me chopes une nana pour. J'en ai une justement. C'est qui? Agnès Q. Oui, bonjour Gérard, c'est Agnès Q. Oui, bonjour Madame Q. Bonjour Madame Q. Bonjour Monsieur Mazur, bonjour tout le monde. Allez. Bonsoir Madame Q. Bonsoir. T'appelles d'où? Monsieur Mazur. Oui, bonsoir Monsieur. Je vous laissez parler. Oh les câbles là. Bon, Monsieur Mazur. Monsieur Gérard, je vous écoute. On se tait, bande part, là. Monsieur bandera pas, s'il vous plaît. Ouais, oui. Bandera pas, là. Oui. Tu banderas si tu veux, après. Oh, c'est très drôle, on me l'a jamais fait, celle-là. Alpuzzino, vous calmez, à l'appel d'où, d'Agnès Q? De son slip. De Paris, capitale de la mode et du monde. 101.9, comme d'hab. C'est fashion, hein. Putain, fashion, mais c'est... Ouais, fashion. Comment? Ouais, je suis une fashion victime. Quoi? Laisse tomber. Bon, allez, vas-y. Bon, sors-en une. Essaye de trouver une question rapidement, là. Bon, alors. Tellement mauvais. C'est clair. Le vieux gars, quoi. Bah, le vieux gars, à 10 balles. De toute manière, c'était. Non, est-ce que. Tiens, moi, j'en ai une question parce que je vais sortir de ta merde. Vas-y. Bah, de toute manière, t'es là pour ça. Bon, c'est un métier. On considère que la mode, enfin, être mannequin, c'est un métier. Ouais. Est-ce qu'il y a des cours, par exemple, tu sais, quand il faut marcher, tu sais, là, il faut bien marcher, il faut avoir une posture. Là, ouais. Il faut avoir une certaine démarche. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une façon de porter les vêtements mieux que... Ah, très bonne question, monsieur. Très bonne question. Très bonne question. Que Véranda Mystère, enfin, tu vois. C'est chaud. Non, mais là... Non, mais ils sont tombés, c'est pas grave. Spirouli, quoi. Bon, ouais, tu réponds à la question. Gérard, je crois que monsieur Spirouli a... Bon, monsieur Mazur. Monsieur Mazur. Monsieur Gérard. C'est la cinquième. Vous allez vous calmer, vous allez répondre correctement à cette question. Non, mais j'allais répondre à la question qu'a posée monsieur Spirouli, qui est une question. C'est pas monsieur Spirouli. Appuie toi chaud là-bas. Non, ce qu'on va faire. Mais... Non, j'ai une question. Vous arrêtez avec chaud là et. Attends, je vais demander. Oh là là. Bon, allez, Mazur, tu me le dégages. Allez, hop. Non, Gérard, c'est pas lui. Mais c'est pas le problème. Mais Gérard, punaise, j'ai une question sur internet. Attends, ce qu'on va demander, c'est à Capitaine Haddock de laisser déjà répondre Gérard. Gérard, tu réponds à la question. La question est: est-ce qu'il faut suivre des cours pour faire de la mode? Clair, net, précis. Voilà. Monsieur Mazur, on lui dit au revoir. Mais attendez, il a même pas monsieur répondu. Mazur, il a répondu, il a rien dit. Moi, j'ai une question. Monsieur Mazur, au revoir. Parce que monsieur Emmanuel au standard, s'il vous plaît, et monsieur Spirouli peuvent témoigner, je n'ai absolument rien fait. Nous témoignons, je trouve. Je m'insurge, ils virent tout le monde. Tu me coupes le mec qui a la radio là. Oh là là, oh là, là, c'est Alfonso là, le mec qui bande pas là. Hé, hey, bande à part là. Non, ça y est, je l'ai viré. Bon, alors tu lui dis au revoir comme complètement parce qu'il m'énerve celui-là. Ouais, d'accord. C'est clair. Tu lui dis bonne nuit et terminé pour lui. On est plus que deux alors? Non, non, il y a Mazur. Ah. Mais non, j'ai dit au revoir à Mazur. Il a rien fait, il voulait répondre. C'était Antonio Bandrapa. Juste. Je suis encore là, moi. C'est Bandrapa, ouais. Qui est encore là? Puccino. Al Puccino. On est trois, ouais, c'est super. Bon alors, Agnès. Oui. Oh, ça y est. Attendez. Attends un peu, laisse-le répondre parce qu'autrement il va pas s'en sortir. Là, alors vas-y. Il faut bien qu'il y ait des gens pour qu'ils répondent. Mais trois, questions. Ça suffit. Mais non, il y a Joe Latouf. Non, non, non, non, non, non, non, non, ouais. Allez, hop, allez, oh, putain, je viens de te voir, non, stop. Oui, bonsoir, hop. Madame Latouf. Tu m'éteins les auditeurs, oui. Manu, tu lui dis au revoir à Joe Latouf parce que tu viens de le changer sous un autre nom. Hop, bonne nuit, terminé. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? Trois avertissements dehors. Mais tu te fous de ma gueule? Le puceau. Bingo. On appelle le puceau, là, Man. C'est qui, puceau? Ivan, demande à Ivan. Evan au standard. Ah, allez, il va kiffer, le vilain. Evan au standard. Bon bah Joe Latouf, tu raccroches et puis tu... Non, tu lui dis au revoir. Voilà, Joe Latouf, au revoir et puis viens au Evan standard. Evan au standard, s'il te plaît, merci. Evan, c'est ta chance, putain. Vas-y, viens. C'est ta chance de sortir du week-end, vas-y, viens. Evan, au standard de Gérard. À la place de Manu. Viens, puceau. Oh, putain, c'est un honneur. À la place de Manu. Oh, vas-y, Manu. À la place de Manu. C'est bon, on va pouvoir faire une fin de débat. Un débat potable. Ouais, je vais t'aider. T'inquiète. Tu me prends des gens quand même là, hein. Non, mais j'ai jamais fait, ça marche pas. Je le regarde, bah tu décroches et ah, tu okay. pars. C'est cool. Tu décroches, t'appuies sur le petit bouton là qui ouais, mais ça, c'est pas ton problème, ça. Vas-y, toi, couche. Bon. Alors, Monsieur Mazur qui nous reste, Al Pacino et Agnès Q. Bonsoir, bonsoir Gérard, bonsoir tout le monde. Bon, alors pour vous, donc est-ce qu'il faut suivre. Tu demandes à qui là? Parce que pour vous. Ouais, pour vous on va demander aux trois, ils vont répondre tous les trois. Okay, à quatrième, super. Juste avant. En même temps. Je viens de retrouver, là, t'es témoin, je viens de le rappeler, GG. Je te jure. Un truc sur ta ouf. Tête. On accueille Versachier. Ah, oui, et vous l'avez plus, le jeu la touffe? Bonsoir. Non. Salut Versachier. Bonsoir, c'est. Versachier, comme le couturier, c'est pas compliqué, hein, c'est haché. Versachier, t'appelles d'où? J'appelle de Paris, bien évidemment, capitale de la mode. Fashion. Bon, alors pour vous, est-ce que. Donc pour vous, est-ce qu'il faut suivre. Est-ce qu'il faut avoir. Suivi des cours. Suivi des cours pour. Alors, monsieur Mazur, allez, je vais le faire le débat. Monsieur Mazur, allez-y, répondez-moi. Je répondrai. Non, mais. Sinon, tu peux sortir, Gérard, c'est mon débat, dégage. Monsieur Mazur, oui. Oui, monsieur Mazur. Monsieur Spirouli, vous mettez votre vie en danger tout de même. Pour l'instant, tu fermes ta gueule, c'est pas ton débat. Juste à live, mais t'avances pas là, putain, tu roules à quoi toi? Monsieur Mazur. Oui, monsieur Mazur. Donc Gérard, pour vous. Écoute, reprenez les rênes, s'il vous plaît. Trois. Bingo. Allô? Oui, je vous écoute, monsieur Mazur. J'allais vous répondre effectivement par l'affirmative, il vaut mieux, n'est-ce pas, suivre quelques cours ou bien encore une école du type classe mannequin avec de gaulées comme enfin taillées dans l'amour, je voulais dire. Il leur offert des lecteurs DVD. Ouais, bien entendu, de pouvoir défiler en bonne et due forme, n'est-ce pas? Bon, monsieur Mazur, oui, on va vous faire une chose. On va vous dire au revoir. Pourquoi, monsieur Gérard? Parce qu'en bonne uniforme, parce que là, vous répondez à côté de la question. Absolument, donc je vous dis au revoir. Non, Manu, monsieur s'il te Gérard. Plaît. Non, c'est en bonne et due forme, c'est une expression. Gérard. Tu dis Gérard. Au revoir à monsieur Mazur, monsieur c'est terminé. Monsieur terminé Gérard. Pour mais monsieur non, Mazur. Pas, pouvez... Monsieur Mazur, terminé. Merci. Monsieur tout Mazur, terminé. Manu, s'il te plaît. Merci. Al Pacino. Ouais, bah alors non, je pense pas que t'as pas besoin de prendre des cours. Hein. T'es beau gosse ou tu l'es pas. Hein. T'as un kiss dans le cou ou t'en as pas. Et puis tu peux faire de la mode, y'a pas de problème. Non, mais est-ce qu'il faut suivre des cours? Bah justement, c'est ce que je viens de te dire. T'écoutes un peu tes auditeurs. Et attends, tu me parles sur un autre temps, espèce d'andouille. Bah je te parle comme je te parle. Hé, je vais te dire une chose, des kiss dans le cou, ils t'emmerdent, ok? Alors au revoir. Allez, bonne nuit. Mais Gérard. Al Pacino. Hey, Al Pacino. Est-ce qu'il faut forcément être beau aussi pour faire de la mode? Al Pacino, au revoir, bande à part. Salut. Non, bande à part. Pas, ça fait longtemps qu'il est viré. Je te fous un pouce hein, aussi, avant de partir. Donc j'étais en train... Oh là. Retiens mon cul. C'est qui que je vire, excuse-moi? Oh là là, c'est quoi c'est ce standard là? C'est quoi le bordel que vous me faites là, tous les deux là? C'est Evan. Attends, je vais faire là, je débute là. C'est quoi là ce bordel? Bah, je gère. Ah non, mais de manière. Eh ben, ayons le puceau et tu feras mieux de. Attends, tu me donnes le disque, on va laisser les. Il nous reste. Tu me fais un chèque, Gérard, à la fin. Versachier là. Ouais. Pourquoi tu vas remettre un disque là? Ouais, on va remettre un disque. Mais on a fini là. Attends, on a fini, il y a une heure. Non, encore une question et c'est fini. Bah, c'est celle-là, tant qu'ils n'auront pas répondu correctement. Attends, il y a Jean-Jean derrière. Quoi, il a le temps, lui? Non, il n'a pas le temps. Attends, il prend une heure, attends, tu crois où? Dans ce cas-là. T'es pas à la sécu ici, hein, tu fais pas ce que tu veux. Hein. Et. Non, mais. Mais attends, mais toi, tu t'écrases, toi, pour l'instant, tu fais l'aria, tu vas t'écraser, maintenant, on va demander. Mais Agnès Q? Oui. Donc tu veux répondre vite fait à la question avant qu'on laisse la parole à... À Jean-Jean. À Jean-Jean, je sais pas quoi, là. C'est comme tu veux, mais je veux bien te répondre. Ouais, alors, vas-y. Bah, en fait, ouais, il y a des écoles hein, pour faire un mannequin. Tu peux faire des stages aussi. Mm-hmm. Moi, je fais un stage pour apprendre à me coiffer. Mais t'as pas besoin d'apprendre à te coiffer pour faire défiler. Si, les mannequins, ils apprennent à se coiffer, hein. Faut faire des stages pour apprendre à se laver aussi, non? Non, je crois pas, là. Attends 5 minutes, Agnès Q, ouais. T'es au stade anal. Oh, c'est le... Comment? Attends, j'ai mal entendu ce qu'elle a dit. Au stade de rénal. C'est-à-dire que t'en es au début. Stade rénal, oui. Ouais, je crois que... Je peux accueillir mon genre, moi? On accueille Antoine. Bah, de toute manière, c'est pour la fin, hein. Ouais, c'est pour la fin, Antoine. Allô? Antoine. Allô? Salut, Antoine. Allô, Antoine, t'appelles d'où? J'appelle de Paris. Ouais, 101.9, d'accord. Et j'appelle pour la Mercedes SLK, là, j'ai entendu 4 conneries à la suite. Ah. Non mais j'ai entendu Manu, Manu, Manu, Manu, Manu, tu lui dis au revoir. Il n'y a pas, de Mercedes. Il a entendu 4 conneries enchaînées. Il n'y a pas de Mercedes à gagner avec moi. Allez, mais si, il y a pas. Oh, tu me coupes. La Mercedes du pot de l'Alma. Mais en tout cas, t'es super sympa. Oh putain, je. Oh là là. Eh, t'as moi ton stylo d'ailleurs. C'est ça que je cherche. Zob. Bon, il a gagné la Mercedes, c'est ça? Non, il a rien gagné du tout. Il y a rien à gagner. Il y avait peut-être attends, une question. Tu lui dis au revoir, lui là. Ouais, j'ai regardé l'internet. Antoine, va te faire couper les cheveux. Va te faire couper les cheveux. Va te faire la couée. Au revoir. Une question à internet. Ouais, il y a le baron sur internet qui demande si tu serais prêt à aller défiler une plume dans le cul à la MJC de Ronny Soubois. Non. Bien la question. Bien, Puceau, t'as bien fait de venir. Bah, je sais pas, c'est la première fois. Non, mais il y a une question. Il y a une question que j'ai demandé à Puceau avant qu'on laisse l'antenne à Jean machin. Jean-Jean. J'ai demandé au Puceau, est-ce que depuis les dernières vacances que t'as faites avec Manu, est-ce que. On n'a pas pris de vacances ensemble. Non, mais. Est-ce qu'avec Manu ça s'est bien passé? Il t'a bien expliqué comment qu'il fallait faire Non, j'ai ramé. Oh, t'as ramé. Oh, c'est que j'ai galéré à le former. Tu me l'as dit toi-même, j'ai ramé. Tu m'as dit j'avais fait des blancs pour enlever ça. C'est dommage. Eh ouais. Tu peux finir c'est bon ton le débat boulot, là. Bon, alors, Agnès, que. Bon, allez, conclusion. Parce que Agnès. Je vais faire un débat après. Agnès. Oui, Agnès, conclusion. Bah, conclusion, ton débat, c'était grave de chez grave. Ah ouais, là, vraiment. Ouais, c'est clair, hein, c'est décevant comme mec. Hein. Dans le genre pourri, je crois que c'est le pire que t'as fait. C'est encore pire quand tu prépares pas. Donc voilà, ouais. Quoi. Bah, dans ces cas-là. Avec ou sans cul, c'est une grosse merde. Donc, bon, alors, toi, tu vas te faire foutre, espèce de pétasse. Ça y est. J'ai envie de câlin. Oh putain, ça commence à me gonfler sérieusement, cette histoire-là. Vierge. Hein Versacier, là, je sais pas quoi, là. Vierge. Écoute, débat sur la mode, ouais, pas mal. Le sujet était bien. L'animateur était un petit peu limite, quand même. Ouais, c'était improvisé, en plus. C'était improvisé, hein. Moi, je pense qu'à regarder ta dégaine, je pense que tu devrais inspirer les prochaines lignes pour, je sais pas moi, les costumes de bagnard ou des joueurs. Ouais. Ben, dans ces cas-là, tu vas t'apprendre à te torcher le cul. Hop, au revoir. Au revoir. Au revoir. Bah, c'est tout, on n'a plus personne. Bah, si, je suis encore là, mais bon. Qui? Bah, j'ai oublié de l'accueillir, c'est Poussoulis. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Bah, parce que c'était fini, alors je t'ai pas dit qu'il était là, mais voilà. Il va faire une petite conclusion. Bon, il va faire sa conclusion. Bah, putain, je vais te prendre en photo. T'es un peu en salaud, Gérard. Quand tes potes t'aident à déménager, c'est pas la peine d'en faire toute une histoire. Voilà. De quoi? Tu peux répéter ce que tu viens de dire? J'ai compris le message. Non, j'ai pas compris. J'ai compris. De toute façon, j'ai rien d'autre à dire. J'ai même pas participé à ton débat, espèce d'enfoiré. J'ai envie de câlin. Bon! Qu'est-ce qui se passe? Alors! Jean-Vite Calin. Bah Manu, tu le coupes? Putain, mais c'est pas moi! Jean-Vite Calin. Bonjour Moussaillon, c'est les innocents. Jean-Vite Calin. Elle a envie de câlin! Gildard! Voilà, c'est bien Manu. Ça y est? Mais quand même. Bon, alors maintenant, on va faire la petite réunion. Le puceau là! C'est bon, il est une heure, j'y vais moi. Ah bah tu vas, bah ouais, casse-toi. Eh ben, toi, il y a Jean-Jean là qui veut faire la conclusion. Non, mais qui fasse sa réunion. Non, mais là, on va discuter un petit peu. J'ai vaguement vu qu'apparemment vous êtes en train de vous foutre de ma gueule encore. Comme d'habitude, hein, Fildar. Fildar, Manu. Manu, t'as pas une cassette? Je vais enregistrer RFM là. Non, franchement, j'ai plus rien là. Ah merde. Bon, bah dans ces cas-là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule. Vous continuez. Lundi, vous avez foutu de la merde. Vous avez même pas été capable d'épauler Max. Mardi, ça a été de la catastrophe, mais grave de chez grave. Vous avez pris une nana. Mais alors, une mythomane. Mais vous avez pris une mythomane. Elle savait même pas ce qu'elle disait. Gérard, hein, on parle pas de la semaine parce que t'es pas là et tu connais rien. Attends. On parle de ton débat. Non, mais moi je peux te dire une chose. Qu'à l'heure actuelle... Attends, Gérard, ça sert à rien de s'énerver maintenant, attends deux secondes. Parce que moi, je vois... Non, mais attends, je vais archiver... Bon, tu te manges le cul, toi, là-bas, là. Je vais archiver la réunion pour que tout ce qui a été dit, je puisse me réécouter, les faire écouter au patron. Encore? Non, parce qu'après, il y a des choses qui se disent, et puis c'est bon. Fildar, s'il te plaît, tu vas te manier... J'attends, je cherche une pépite, c'est pas chier. Non, mais tu vas te manier le cul. Hein ? Parce que moi, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai écouté depuis deux jours. Oui. Apparemment, vous avez foutu que de la merde. Où ? Et vous continuez. Où ça ? Lundi, moi, je suis venu devant ta porte, de la merde. Lundi, lundi, ça a été de la catastrophe, l'émission. J'ai écouté, ça a été vraiment du bordel, à part le Ricky Larsen. Il n'y a que le Ricky Larsen qui fonctionne. Ah bon ? Sinon, les auditeurs, naze. Ouais. Hier, j'ai vaguement écouté... vous avez personne à vous mettre sous la dent. Vous avez voulu m'appeler, mais comme j'étais trop fatigué suite à l'opération, vous. On vous m'a dit que t'avais fait Sandy, un concours de tequila frappé. Moi. Vous avez eu Sandy. Manu, t'as pas été capable de la passer en direct. Par contre, elle aurait pu. Attends, elle nous a chauffé. Non. Elle aurait pu très bien donner de mes nouvelles. Donc, vous avez passé une nana, une mythomane, qui savait même pas ce qu'elle disait. Donc, si c'est pour comme ça, ça sert à rien. Hier soir, j'ai pas tout le temps écouté parce que je suis venu entre deux. Et j'espère que ça va pas continuer, que dans les jours à venir, ou même dans les semaines à venir, et voir les autres débats, vous allez pas me les saccager, parce que si c'est pour saccager les débats, c'est pas la peine qu'on en fasse. Hein ? Donc j'espère que ça va être pris en compte, que vous allez bien réfléchir à ce que je viens de dire, et cette histoire de Jean-Louis de Calin, d'Henri et tout ça, je ne veux plus en entendre parler à l'antenne, ça me prend la tête. Ça casse la tête mais à Sandy. Mais qu'est-ce qu'il y a eu? Ça me prend la tête à Sandy. C'est normal, ça prend les tripes. Hein? Mais je comprends. Nous, on commence à en avoir ras-le-bol. Sérieusement. Faut pas tousser avec Henri. Mais même. Tu restes tranquille chez toi. Tu couches. Tu l'invites pas pour. C'est lui qui appelle, soi-disant. Vous le laissez appeler, c'est tout. Non, mais vous couchez ensemble, après vous assumez. Voilà. Attends, moi je. Tu veux coucher avec Henri et Sandy? Bah, Henri et Sandy, vous faites des trucs à trois, vous faites des trucs à trois. Hein. Sandy, elle avec moi. Sandy, elle avec moi, c'est tout. Maintenant, vous lui foutez la paix à Sandy, vous l'appelez pour avoir des nouvelles et c'est tout. Maintenant, le reste, on ne veut plus en entendre parler. Si on entend encore parler d'Henri, c'est simple. À la fin du mois, il n'y aura pas de débat. C'est clair, net et précis. C'est pas de notre faute. Faut que tu assumes ce que tu fais. Déjà, le courrier. Oui. Ça commence à bien faire. Il était sympa le courrier ce soir. Non, pour l'instant, il y en a ras-le-bol de cette histoire. Hein ? Christine, Henri, maintenant on n'a que ça. Alors là, ça commence à me gonfler. Sérieusement. Si j'entends parler de ça, encore une fois, je te jure que là, c'est terminé. Et Max, il va être au courant. De toute manière, pour l'instant, il n'y a rien qui est prévu entre moi et Max. Donc. Il n'y a pas de contrat, donc je peux très bien, à la fin du mois, rester chez moi. Un truc à quatre, avec Henri, toi, ta Max gueule, et toi. Sandy. Toi, ta c'est gueule. C'est chaud, ça. Ok oh, maintenant, vous lui foutez la paix à Sandy. Et Henri, vous le laissez faire ce qu'il veut. C'est son problème, c'est plus le mien. Il fait ce qu'il veut, Henri, mais bon, la pépette d'Henri, elle lui est... On n'en a rien à foutre. Elle lui est petite. On n'en a rien à foutre. Non, elle a pêché des MST dans... Maintenant, vous foutez. Avec ça, vous nous arrêtez de nous casser les couilles parce que ça commence à bien faire. Clair, net et précis. S'il n'a pas compris ce que je lui ai dit par téléphone, c'est qu'il comprend jamais, qu'il comprendra pas. Ok ? Alors, en de bon entendeur, salut. Tu lui as expliqué quoi par téléphone ? En de bon entendeur, salut. On va s'écouter les prostituées. La réunion est terminée là ? Ça y est, c'est fini. Donc, tu dis au revoir et puis tu t'annonces la suite. Donc là, vous allez retrouver Jean-Jean pour jusqu'à 6h. Et à 6h, vous allez retrouver Bob Gwen et Martin pour la Mercedes. Non, elle a été gagnée. Ah, ça y est, elle a été gagnée, mais justement... T'as la tienne. Non, mais moi, j'ai pas de voiture. Donc, c'est un brancard. Donc, vendredi... Il roule en ambulance. Vendredi, il y a quoi ? Il y a sans aucun doute à 23h. Non, mais les soirées. Les soirées, ils mixent où ? Une soirée disco au chill out à... Bon, ta gueule. À l'Opus Café. Ta gueule. On va s'écouter les prostituées à nous. Non, Max est à Tours. Voilà, il est au scoop à côté de Tours demain soir. Ouais. Mais attends, j'ai rien. T'as rien, t'as rien, je sais, il te reste plus rien sur ton compte, mais je peux pas t'aider. Ta gueule, j'ai pas filé de la thune. Mais rien. Ouais, il est à côté de Tours, au scoop. Demain soir. Et voilà, dimanche, il y a. Oui, comme d'hab, éclectique, balade nocturne. Ça sera la 71e émission. Oui, 72e plutôt. 72 ? Et oui. Et voilà, et nous on se retrouve dans le courant de la semaine si on voit que ça se passe mal. Si tout va mal, j'essaierai d'appeler pour passer parce que sinon. Tu fais pas de rééducation pour ta jambe en fait ? Va te faire foutre. Et on va s'écouter les prostituées, quoi ? Anneau, c'est qui a marqué ça ? Anorexique. Voilà, avec les redis-le bien, merde. Voilà, mais attends, mais tiens. Allez. Non, mais vas-y, Gérard, merde, fais ton truc. Alors, on va s'écouter les prostituées anorexiques avec des scocs, je sais, ventre plat. Je sais pas ce que c'est, mais bref. Bon, en plus, c'est même pas du sang. C'est même pas ça.